Premier livre des Chroniques, chapitre 7. Et les enfants d'Issacar furent ces quatre: Tola, Pua, Jasub et Sinron. Et les enfants de Tola furent Uzi, Réphaja, Jériel, Jamaï, Jipsam, et Samuel, chefs des maisons de leur père qui étaient de Tola, gens forts et vaillants en leur génération. Le compte qui en fut fait au jour de David fut de 22 600. Les enfants d'Uzi, Jizraïa, et les enfants de Jizraïa, Michael, Obadia, Joël, et Jissija, en tout 5 chefs. Et avec eux, suivant leur génération, et selon les familles de leurs pères, il y eut en troupe de gens de guerre 36 000 hommes, car ils eurent plusieurs femmes et plusieurs enfants. Et leurs frères selon toutes les familles d'Issacar, hommes forts et vaillants, étant comptés tous selon leur généalogie, furent 87 000. Les enfants de Benjamin furent 3, Béla, Béké, et Jédiel. Et les enfants de Béla furent, Hetzbon, Uzi, Uziel, Jérimoth, et Iri, 5 chefs des familles des pères, hommes forts et vaillants, et leur dénombrement selon leur généalogie, monta à 22 034. Et les enfants de Béké furent, Zomira, Joa, Eliézé, Eliolénaï, Henri, Jérimoth, Abija, Anatot, et Almet, tous ceux-là furent enfants de Béké. Et leur dénombrement selon leur généalogie, selon leur génération, et les chefs des familles de leur père, monta à 20 200 hommes, forts et vaillants. Et Jédia élut pour fils Bilan. Et les enfants de Bilan furent, Jéhu, Benjamin, Ehu, Kenaana, Zetan, Tarsi, et Aïzar. Tous ceux-là furent enfants de Jédiel, selon les chefs des familles des pères, forts et vaillants, 17 200 hommes, marchant en bataille. Suppim et Uppim furent enfants d'Ir, et Uzim fut fils d'Aé. Les enfants de Nephtali furent Jatsiel, Guni, Jetsé, et Salom, petit-fils de Bila. Les enfants de Manassé, Asriel, que la femme de Gala enfanta. Or la concubine syrienne de Manassé, avait enfanté Makir père de Gala. Et Makir prit une femme de la parenté d'Uppim et de Suppim, car ils avaient une sœur nommée Maaka. Et le nom d'un des petits-fils de Gala fut Tselovka, et Tselovka n'eut que des filles. Et Maaka, femme de Makir, enfanta un fils et l'appela Péré, et le nom de son frère serait, dont les enfants furent, Ulam et Rekem. Et le fils d'Ulam fut Bedan. Ce sont là les enfants de Gala, fils de Makir, fils de Manassé. Mais sa sœur Moleket enfanta Issu, Abiézé, et Mala. Et les enfants de Semida furent, Ayam, Sekem, Liki, et Aniam. Or les enfants d'Ephraïm furent, Sutla, Béret son fils, Tahat son fils, Elada son fils, Tahat son fils, Zaba son fils, Sutla son fils, Ezé, et Ella. Mais ceux de Ga, nés au pays, les mirent à mort, parce qu'ils étaient descendus pour prendre leur bétail. Et Ephraïm leur père en mena deuil plusieurs jours, et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il vint vers sa femme, qui conçut, et enfanta un fils, et elle l'appela Béria, parce qu'il fut conçu dans l'affliction arrivée en sa maison. Et sa fille Séra, qui bâtit la basse et la haute Bethoron, et usant Séra. Son fils fut Repha, puis Rezef, et Tela son fils, Tan son fils, Ladan son fils, Amu son fils, Elisama son fils, Nain son fils, Josué son fils. Leur possession et habitation fut Bethel, avec les villes de son ressort, et du côté d'Orient, Naharan, et du côté d'Occident, Gézé, avec les villes de son ressort, et Sichem, avec les villes de son ressort, jusqu'à Haza, avec les villes de son ressort. Et dans les lieux qui étaient aux enfants de Manassé, Bethséan, avec les villes de son ressort, Taanak, avec les villes de son ressort, Megiddo, avec les villes de son ressort, Dor, avec les villes de son ressort. Les enfants de Joseph, fils d'Israël, habitèrent dans ces villes. Les enfants d'Azé furent, Jana, Jizua, Isaïe, Béria, et Séra leur sœur. Et les enfants de Béria furent, Ébé, et Malkiel, qui fut père de Birzavit. Et Ébé engendra Japhlet, Somé, Otam, et Sué leur sœur. Les enfants de Japhlet furent Paza, Bimal, et Asbat. Ce sont là les enfants de Japhlet. Et les enfants de Somé furent Taï, Roéga, Jéhuba, et Aram. Et les enfants d'Élem son frère furent, Tsepha, Jana, Sélé, et Amal. Les enfants de Tsopha furent Sua, Arnefé, Sual, Beri, Jara, Betsé, O, Sama, Silsa, Jitran, et Bera. Et les enfants de Jété furent, Jefuné, Pispa, et Ara. Et les enfants de Hula furent, Ara, Aniel, et Ritsia. Tous ceux-là furent enfants d'Azé, chef des maisons des pères, gens d'élite, fort et vaillant, chef des principaux, et leur dénombrement selon leur généalogie, qui fut fait quand on s'assemblait pour aller à la guerre, fut de 26 000 hommes.